Allô, allô, bienvenue au Lobster 14.0. C'est le Lobster de l'Action de grâce. C'est quoi l'Action de grâce au juste? C'est une journée pour rendre grâce au Dieu tout-puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. C'est ça qui est écrit dans la déclaration du Parlement canadien pour justifier cette journée de célébration. L'Action de grâce trouve son origine dans les fêtes de la moisson célébrées dans les sociétés paysannes européennes. On attribue la première action de grâce en Amérique du Nord à Martin Frobisher, qui, durant sa recherche du passage du Nord-Ouest en 1578, s'est arrêté avec son équipage sur l'île de Baffin pour rendre grâce à Dieu d'être toujours en bonne santé. Donc, j'espère qu'à l'occasion du congé, vous allez manger de la bonne dinde et que vous n'oublierez pas de remercier Dieu. Je compte sur vous. Moi, j'aurai pas le temps. Je vais être en route pour le chalet. J'ai ajouté d'autres congés à ce congé de l'action de grâce. Je m'en vais passer 5 jours au chalet. Chaque année, le week-end de l'Action de grâce, au chalet, c'est le symposium provincial des villages en couleur à Lens-Saint-Jean, où est notre chalet, et à Petit-Saguenay. Donc, il va y avoir des expositions des artistes peints. J'y vais chaque année avec mes parents. C'est toujours le fun, on voit plein de belles choses. Et mes parents sont chanceux, ils ont déjà gagné 2 fois les premiers prix qui sont tirés. C'est toujours des jolies toiles d'artistes. Donc c'est ça, cette semaine le Lobster 14.0 est préenregistré vu que je ne serai pas là durant le week-end pour vous préparer tout ça. Et comme à l'habitude, dans le Lobster, on parle de tout et jamais de rien. Bon Lobster! En provenance d'Anoumamo, Magic System, Scalp. C'est encore nous, hein? Toujours nous! Toujours! Zouglou, la danse des magiciens, Zouglou. Abidjan, c'est pas gâté. Zouglou, c'est ça. La danse des magiciens. Zouglou, chez nous là, on dit à fond. Yeah. Zouglou, la danse des magiciens. Zouglou, voilà. Abidjan, c'est pas c'est gâté. Zouglou, voilà. La danse des magiciens. Zouglou, voilà. Chez nous là, on dit à fond. Azoumame, Azoumame, Azoumame, Azoumame, Azoumame. Partout nous on passe, il y a toujours la joie. Alors mon ami, pourquoi tu veux pas danser? Tu sais pas danser, c'est pas compliqué. Faut t'élever, laisse-toi ensorceler. Chez nous à Abidjan, on est toujours dans la joie. Malgré nos problèmes, on est toujours positif. Si tu es positif, Zouglou, la danse des magiciens. Zouglou, Ça finit. Cette semaine, alors que je travaillais de la maison, j'étais bien assis dans mon bureau, qui est la table de la cuisine sur laquelle j'ai mes deux ordi et mon deuxième écran, eh bien, je vois une silhouette se profiler à l'extérieur devant la porte. Et ça cogne. Oui, bonjour. Bonjour, je suis un vendeur qui passe dans le coin. Je vends chez vos voisins, donc je voulais voir si vous ne seriez pas intéressé par nos produits de qualité. Des fruits de mer, de la viande, du bœuf, du wapiti, du cerf et plein d'autres choses. En gros, il y avait plein de bonnes choses à vendre. Donc, je lui dis que je suis intéressé. C'est le genre de choses que j'aime manger et acheter. Je lui dis donc de me présenter sa liste de prix. Non, non, me dit-il. Moi, je veux te parler de la qualité de mes produits. OK, la qualité. Mais je te fais confiance. Moi, ça m'intéresse. Moi, j'achète mes steaks en grande quantité au Costco et je leur fais confiance pour la qualité. Donc, je te fais confiance sur la qualité de tes produits. Je voudrais savoir combien ça coûte. Non, je veux pas te parler de prix. Je veux te parler de la qualité de ma viande de wapiti, de nos bons pétons. Oui, je comprends. La qualité, mais ça m'intéresse de t'en acheter. Mais c'est comme chez Costco, pour acheter, j'ai besoin de connaître comment ça coûte. Non, je veux pas te donner une liste de prix. Moi, je te garantis que ça va être des produits de qualité que je te vends. Tu peux payer par carte de crédit, chèque, Interact et aucune obligation de semaine en semaine. Tu fais juste me dire ce que tu as besoin. Je comprends. Mais si tu me dis pas le prix, comment je fais pour me décider à acheter? Eh bien, tu sais, le filet mignon, Club Price, t'es obligé de le couper, rendu chez toi. Nous, tout va être déjà préparé et emballé de façon individuelle. Puis en plus, je te garantis les meilleures coupes du centre pour le filet mignon. OK, c'est intéressant. Mais ça coûte combien si je veux en acheter? Ben, pour le filet mignon, c'est 10,99 la livre. OK, c'est intéressant. Est-ce que t'as une liste de prix de tes autres produits? Et là, le vendeur a hoché la tête. J'ai senti qu'il était tanné de ma question. Puis moi, j'étais tanné de le demander. Je me suis dit dans ma tête, donne-moi une bonne réponse ou je te demande de quitter mon terrain. Je commençais à être tanné. Nos regards se sont croisés. Puis il a continué à hocher la tête. J'en ai déduit qu'il était fâché, car il a redescendu les marches devant la maison puis il est parti. J'ai pas eu besoin de rien rajouter. Je sais pas trop comment comprendre son histoire. Lui, je pense qu'il voulait entrer dans la maison pour me montrer sa boîte de produits, pour me montrer la belle qualité. Mais j'avais pas besoin. Moi, je voulais savoir le prix pour en acheter. Mais non, il voulait pas me donner les prix. Je sais pas comment il réussit à vendre de quoi. Sans blague, je me doute un peu pourquoi il voulait pas me donner de liste de prix. Probablement pour pas que je puisse comparer par la suite avec l'épicerie ou le Costco. Deuxièmement, il devait pas avoir la permission de cogner à ma porte. Dans ma ville, il faut une autorisation de la ville pour passer de maison en maison. Donc, on a vraiment la paix des colporteurs. La ville autorise pas grand-chose, puis ceux qui passent sans permis, je pense qu'ils se font dénoncer assez vite et sont interceptés par la ville. Car on a des messages d'avertissement sur le site Facebook de la ville quand des vendeurs passent sans autorisation. Mais bon, je suis déçu quand même. Si ses prix étaient bons, il a perdu un client intéressé. Je pense qu'il ne connaît pas les bases du marketing. Il me semble qu'avoir le prix du produit que tu vends est la base. Mais je suis un peu content aussi dans le fond. Il y avait anguille sous roche. Je suis content de rien avoir acheté. getting so much higher. My soul is burning inside, yeah. That flame is turning to a fire, just like the change in the tide. Le pyjama. Synonyme de confort pour vous ou synonyme d'avoir trop chaud? Pour moi, le pyjama est l'habit parfait quand je travaille de la maison. Je suis tellement bien là-dedans. Mais de là à en faire un sujet de podcast, eh oui, je vous en parle. Car j'ai eu une amie qui me montrait via Facebook cette semaine qu'elle était en train de se faire elle-même un pyjama. Et malheureusement, il était tellement grand que ça m'a fait rire. C'était le format 2 places. Bon. Elle doit le refaire, c'est sûr, si elle ne veut pas embarquer la planète dedans. Mais est-ce qu'il y a des lobsters parmi vous qui vous lancez comme ça dans des projets de se faire son propre linge? Moi, je trouve ça courageux. Personnellement, j'y arriverai pas. Donc, je ne dénigrerai pas ceux ou celles qui s'y essaient. Moi, au maximum, je pense que j'arriverai à me faire des boxeurs avec des carrés de feutre que j'ai au garage pour le bricolage. Me semble que ça serait douillet. En plus, mes carrés de feutre sont très colorés. Rouge primal, bleu cyan ou vert émeraude. Tant qu'à parler de pyjama, allons-y au fond des choses. Ça sort d'où le pyjama? Laissez-moi vérifier. Sur Internet, ça indique « Le mot pyjama est dérivé du mot persan « pijin » qui signifie « vêtement de jambe » et désigne un pantalon ample. C'est un vêtement usuel pour aller dormir. Ouf, aller dormir en pyjama. Non, moi je suis pas capable par exemple. J'aurais trop chaud. Je serais pas bien, je me sentirais tout pogné. Non, merci. Je lis aussi sur Internet que Coco Chanel a porté un pyjama de plage qui est devenu populaire auprès des femmes dans les années 20. Quand même, il y a toute une histoire autour du pyjama. Il y a même des poèmes érotiques de pyjama. Allez, on s'en lit un petit pour se faire plaisir. Le poème est de Georges-Philippe Taladière. Ce poème a pour titre « Lorsque je te pénètre ». Lorsque je te pénètre, quand je rentre dans toi, quand je dois me soumettre en esclave à ta loi. Lorsque mon cœur meurtri par des tâches futiles en toi se réfugie, quand enfin je t'enfile. Je demande à la nuit d'ouvrir enfin ses bras. Ah, que serait ma vie sans toi, mon pyjama? Quand même, c'est bien écrit. Musique? Yeah. Hey. Ow! C'est vraiment un moyen de détente. Oui. Nous avons changé. L'arôme, la saveur, le goût. Avenue Moreau, cité de Sainte-Foy, en banlieue de Québec. Nous avons demandé aux maîtresses de maison qui utilisaient une autre marque de café de faire l'essai du café instantané Maxwell House et de le comparer à leur café habituel. Le café que je prenais auparavant ne me donnait pas cette satisfaction que je ressens après avoir dégusté le café Maxwell House. Certainement. Le café Maxwell House, c'est mon préféré. Je trouve le café Maxwell House plus doux et plus crémeux que celui que je bois à l'habitude. Et c'est pour ça que j'ai changé de café. Dorénavant, je vais toujours utiliser le café Maxwell House parce que je trouve supérieur. Adoptez donc vous aussi le café instantané Maxwell House. Le café instantané Maxwell House a le goût de café fait au percolateur parce qu'il est fait d'avance au percolateur. Un autre produit de qualité General Foods. Pourquoi préfère-t-on plus que jamais la Dumorier? Parce que la saveur satisfaisante de la Dumorier est protégée par le superfiltre Milsail exclusif, qui ne laisse pas fuir cette saveur. Car c'est un filtre exceptionnel qui garde la saveur à son meilleur. Alors, qu'importe où vous regarderez, vous verrez que mon fume Dumorier. La King Size la plus vendue au Québec. Je vous ai parlé dans un des podcasts du jeu de Messenger sur lequel un de mes amis travaillait à la conception. Puis cette semaine, je lui avais demandé, vu que le jeu est maintenant sorti, je lui avais posé la question suivante. Qu'est-ce qu'il pensait là, des gens qui piratent les jeux? Parce que leur jeu a été piraté 6 heures après sa sortie sur Steam. Donc, je lui ai envoyé la question. Qu'est-ce qu'il pensait de ça? Puis est-ce qu'il avait pensé à tout ça en cours de conception. Dans la réponse est la suivante, je vous la lis, je trouvais ça intéressant. Il dit pour ta question du hacking, nous en avions parlé rapidement au début, mais pas nécessairement comme un aspect à vérifier en production. Mon opinion là-dessus est que les gens normalement qui piratent les jeux ne sont pas ceux qui en achètent de toute façon. Nous ne pouvons pas vraiment lutter contre ça vu le coût du développement d'un tel challenge. De plus, même en mettant une bonne sécurité, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils réussissent à passer au travers. Même les gros comme Blizzard et Steam, qui obligent une connexion constante avec leurs serveurs pour empêcher, entre autres, le piratage, finissent par se faire avoir. Il existe des serveurs pirates de World of Warcraft sur lesquels tu peux jouer, donc ça vaut pas la peine de lutter contre ça. Pas à notre échelle, en tout cas. Au mieux, le piratage fait de la pub. Nous avons reçu un message comme de quoi une personne avait downloadé le torrent du jeu et a tellement aimé qu'il est allé l'acheter sur Steam après avoir joué. Donc voilà, je tenais à vous montrer le point de vue d'un développeur de jeu, qu'est-ce qu'il pensait de ça. Parce que bien souvent, là, quand on télécharge quelque chose, que ce soit des chansons, des jeux ou tout ce qu'il y a sur Internet, mais souvent on ne pense pas aux gens qui ont passé des mois ou des semaines ou des années à travailler dessus. Donc, c'était un petit message pour nous faire réfléchir. Parce que oui, des fois, dans Lobster, on essaie de réfléchir. She used to be an iron horse 20 years ago. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I saddled on a Western, steam into the night. 90 tons of thunder lighting up the sky. She was the princess of the night. We saw the writing on the wall. dans une des revues que j'ai sous la main qui s'appelle Terre sauvage, vivre la nature. C'est une revue mensuelle. Moi, la mienne date de 2013. Là, j'ai payé 25 sous chez Renaissance. C'est super intéressant. Ça parle des animaux, ça parle des engrais, ça parle un peu de n'importe quoi sur la nature. Puis dedans, il y a un article que je trouvais cute. C'est une lettre d'amour à une créature que les poules adorent. Je vous dis pas le nom de la bibitte. Vous essayerez de la deviner. Donc, je vous lis la lettre d'amour que la dame a écrite à cette créature. La dame s'appelle Élise Rousseau. La première fois que je t'ai vue, petit de rien, l'avouerai-je, je ne t'ai pas remarqué. Tu allais sur le bord de ma pelouse, ton petit bonhomme de chemin. C'est mon ami Bob qui nous avait présenté. Il m'avait dit, faut absolument que tu ailles voir mon pote le Je t'assure, il t'aidera, c'est un pro, je jardine tout le temps avec lui. Je l'ai écouté d'une oreille, puis je t'ai revu. Avec toi, je me sens bien. Je sais que je ne risque rien, mais je n'aime pas trop ton côté fuyant, savonnette, à filer entre les mains. Combien de fois ai-je essayé de t'attraper, toi qui semblais tout mou et immobile? Et combien de fois as-tu filé sous la terre sans qu'on sache ni comment ni par où? L'autre jour, en soulevant dans mon poulailler une bassine renversée, je t'ai vu te pavaner dessous, gros gras et dodu, bien à ton aise sous cette ombre humide. Je n'ai pas eu le temps d'appeler mes poules que, pfff, tel un ressort, tu es rentré sous la terre à toute vitesse. Je n'ai pu que regarder, dépité, le trou dans lequel tu t'étais faufilé. Mais qui es-tu vraiment, ver de terre? Qui te connaît? Rien qu'en France, il existe 150 espèces de vers, 10 000 peut-être dans le monde, beaucoup encore inconnus. Et vous pouvez atteindre les 4 millions par hectare, à grouiller comme des fous sous un seul petit pré. Quel java là-dessous! Certaines espèces font plus d'un mètre de long. Le record, c'est un Sud-Américain qui le détient. Il mesure 3 mètres, un vrai serpent. Bienfaisant vers de terre, tu n'as pas de poumons? Tu respires par ta peau qui doit rester humide. Tu meurs si tu te déshydrates. Tu as 5 à 7 paires de cœurs. Comme tu dois savoir aimer. On dit parfois que coupé en deux, tu deviens deux vers. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu sois coupé au bon endroit pour qu'une des deux parties survive. L'autre mourant toujours. La survivante régénère alors, en effet, son bout manquant. Et ta sexualité, petit vers. Qu'il est loin le temps où tu me semblais gluant et répugnant. Les lombrics sont hermaphrodites. En voilà une bonne façon de résoudre la guerre des sexes. D'abord mâle, puis femelle, en un seul corps. L'idéal platonicien de l'amour, tu l'as résolu. Ne plus diviser les genres, n'être qu'un. Une ou deux paires de testicules, une paire d'ovaires. Il te faut quand même un autre ovaire pour t'accoupler. Pour un petit échange de matériel. Et c'est plus agréable à deux, ces affaires-là. Voilà! C'était une lettre d'amour à un ver de terre. Departure to Bangkok, Air France flight 428, immediate boarding gate number 37. Départ à destination de Bangkok, vol Air France 428, embarquement immédiat porte numéro 37, Emmanuel. C'était un livre, c'est devenu un film, Emmanuel. Si ce titre n'évoque rien pour vous, si vous ne voyez aucun rapport entre Emmanuel et un avion qui part pour Bangkok, demandez à vos amis, ils vous expliqueront. Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français. Emmanuel, prochainement. Une bande-annonce intrigante, un film qu'il faudrait que je voie prochainement. Donc ça va être tout pour ce Lobster. Je vous souhaite une belle semaine. Dès que je reviens du chalet, ben, je vous promets un nouveau Lobster rempli d'histoires. Au revoir! We'll be right back.